Chapitre 15e. Courcy. On se souvient que lorsque Franck avait dit à son père que le château de Courcy était triste, le squire me parut être du même avis, et pour le père comme pour le fils, il n'aurait guère pu en être autrement. Nous serions même assez embarrassés de définir l'espèce d'homme auquel le château n'eût pas paru triste, mais il est à supposer que les deux Courcy le trouvaient à leur goût. C'était un château en briques, bâti sous le règne de Guillaume III, époque, comme on le sait, plus favorable à la constitution du pays qu'à l'architecture. Le château avait tous les droits possibles à cette dénomination. On y entrait par une grande grille qui conduisait dans la cour d'honneur. La loge du concierge était pour ainsi dire pratiquée dans l'épaisseur du mur, flanquée de deux espèces d'appendices massifs et circulaires, auxquels on donnait peut-être avec raison le nom de tours, quoiqu'ils n'en eussent guère l'apparence. De plus, un des côtés du bâtiment était surmonté d'un parapet crénelé, derrière lequel une imagination un peu vive eût pu se figurer des canons braqués. Mais il eût fallu que ces canons eussent une gueule bien étroite, car je doute qu'un archer eût trouvé un abri derrière ces créneaux. Les terres qui entouraient le château n'étaient ni agréables à l'œil, ni d'une grande étendue, bien que tout le domaine fût probablement en rapport avec l'importance d'un aussi grand seigneur que le comte de Courcy. Ce qui aurait dû être le parc était divisé en vastes enclos. La surface en était plate et uniforme. Malgré de superbes ormes rangés en ligne comme des haies, les arbres n'avaient pas cet aspect grandiose et sauvage qui fait le principal charme du paysage anglais. La ville de Courcy, car l'endroit revendiquait le nom de ville, ressemblait sous beaucoup de rapports au château. Elle était bâtie en briques rouges, presque brunes, et avait un aspect lourd et triste. Elle se composait de deux longues rues croisées, formant à leur embranchement le centre de la ville. C'est là que se trouvait l'auberge du Lion Rouge, qu'il eût été plus correct d'appeler le Lion Brun. Et à l'époque où les diligences roulaient encore, on eût pu voir dans la petite ville quelques signes de vie et d'activité aux heures des relais. Mais depuis qu'il y avait une station de chemin de fer à 1,5 milles de distance, toute la vie et l'activité de Courcy étaient concentrées dans l'omnibus du Lion Rouge, qui semblait n'avoir autre chose à faire qu'à parcourir le trajet entre la ville et la station sans jamais être encombré de voyageurs. Quand les habitants de Courcy étaient absents de chez eux, ils ne manquaient pas de dire qu'il y avait d'excellentes boutiques dans leur ville. Mais cela ne les empêchait pas, à leur retour, de se plaindre amèrement des roueries des marchands. Le quincailler qui se vantait de vendre de la meilleure marchandise que celle de Bristol ou de Gloucester achetait en cachette son thé et son sucre dans l'une ou l'autre de ces villes, et l'épicier de son côté professait le plus profond dédain pour les productions du pays. Le commerce n'avait donc pas prospéré à Courcy depuis l'ouverture du chemin de fer. À dire vrai, tout patient observateur qui se serait posté sur la place publique pendant une journée et qui se serait amusé à compter les chalands qui entraient dans les boutiques aurait demandé avec surprise comment les boutiques elles-mêmes pouvaient se maintenir. Et quel changement dans cette auberge autrefois si bruyante. Un vieux palefrenier boiteux se promène dans la cour silencieuse, les mains dans ses grandes poches, réfléchissant aux beaux jours qui ne reviendront plus. Les deux vieillards ridelles qui traînent l'omnibus et trois malheureux chevaux de poste sont maintenant tout ce qui reste des nombreux coursiers qui se pressaient dans les écuries, alors que 20 grains enlevés à chaque picotin constituaient le revenu journalier d'un quarteron d'avoine à l'heureux palefrenier. Le château de Courcy avait donc un aspect fort triste, et Franck avait pu se convaincre, pendant ses visites précédentes, que la réalité ne démentait pas l'apparence. Il s'y était rarement trouvé en même temps que le comte, et comme il avait toujours eu très peu de sympathie pour sa tante, cela avait peut-être contribué à lui rendre ce séjour désagréable. Dans cette circonstance, cependant, la société du château devait être plus nombreuse qu'il ne l'avait jamais vue. Le comte était attendu. On parlait aussi de la visite du duc d'Avry, qui devait rester 2 ou 3 jours, mais cela semblait douteux. On espérait vaguement Lord Porlock. M. Moffat, qui attendait avec impatience le moment des élections, et espérons-le celui de son heureux mariage, était au nombre des invités, ainsi que la célèbre Miss Dunstable. Frank apprit bientôt cependant que tous ces grands personnages n'étaient pas attendus immédiatement. « Je pourrais bien retourner passer 3 ou 4 jours à Greshamsbury, puisqu'il n'est pas encore arrivé, » dit-il naïvement à sa tante, lui donnant par là à comprendre qu'il regardait sa visite au château comme une simple visite d'intérêt. Mais la comtesse ne voulut pas entendre parler d'un pareil arrangement. À présent qu'elle tenait Frank, elle n'allait pas le laisser échapper pour l'exposer aux séductions de Miss Thorne. « Il est essentiel, dit-elle, que vous soyez ici quelques jours avant, Miss Dunstable, afin qu'elle vous trouve tout à fait installée. » Frank n'en voyait nullement la nécessité, mais comme il ne se sentait pas de force à résister, il se consola du mieux qu'il put en partageant ses journées entre l'éloquence de l'honorable George et la passion pour la chasse de l'honorable John. Monsieur Moffat arriva le premier. Frank ne connaissait pas encore son futur beau-frère. Cette première entrevue n'était donc pas sans quelque intérêt pour lui. On introduisit M. Moffat dans le salon quelques instants avant que les dames allassent faire leur toilette pour le dîner. Frank s'y trouvait avec elle. Comme il n'y avait que deux de ses cousins et sa sœur, il s'attendait à voir les fiancés se précipiter dans les bras l'un de l'autre. Mais M. Moffat réprima son ardeur et Miss Gresham en parut très satisfaite. M. Moffat était un homme d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, et il n'eût pas paru mal si son visage avait eu un peu plus d'expression. Il avait les cheveux noirs, bien brossés, de petits favoris également noirs, et une petite moustache de la même nuance. Le vernis de ses bottes était irréprochable et ses mains parfaitement blanches. Il sourit d'un air novice en prenant la main d'Augusta, et dit qu'il espérait qu'elle s'était bien portée depuis qu'il n'avait eu le plaisir de la voir. Puis il étendit la main à Lady Rosina et à Lady Margaretha. « Monsieur Moffat, dit Augusta, permettez-moi de vous présenter à mon frère. »« Enchanté, dit Monsieur Moffat, en tendant de nouveau la main et en la laissant glisser dans celle de Frank. Puis il ajouta d'une voix mielleuse, « Lady Arabella se porte bien. Votre père et vos sœurs aussi. Quelle chaleur il fait, n'est-ce pas? Il fait excessivement chaud à Londres, je vous assure. » « J'espère qu'Augusta l'aime, se dit Frank, comme se l'était dit son père. Mais pour un amoureux, il a l'air bien drôle. Pauvre Frank, il avait été jeté dans un tout autre moule, lui, et en pareille circonstance, il eût au moins voté pour un baiser. » M. Moffat ne contribua que bien peu à augmenter la gaieté du château. Il était tout naturellement très occupé de sa prochaine élection, et passait la plus grande partie de son temps avec M. Netherwind, le célèbre agent parlementaire. Il était nécessaire qu'il se rendît souvent en Barchester pour y solliciter les suffrages et saper, avec l'aide de M. Netherwind, les contre-mines de M. Closerstil. La bataille promettait d'être acharnée. Nul quartier ne devait être accordé de part ni d'autre. Aussi M. Moffat avait-il suffisamment à faire pour parer tous les coups. M. Closerstil était connu pour être l'homme d'affaires dans son genre le plus subtil de toute l'Angleterre, à moins qu'on ne donnât la palme à son grand rival, M. Netherwind. Dans cette circonstance, il devait être appuyé par un jeune avocat de grand talent, M. Romer, admirateur zélé de Sir Roger. Bien des personnes à Barchester, en voyant passer ces trois hommes bras dessous, avaient dit que le pauvre Moffat était perdu. D'autres, au contraire, chez lesquels la bosse de la vénération était très développée, déclarait qu'il était impossible que le protégé du duc d'Evry fût rejeté. Notre pauvre ami le squire ne prenait pas grand intérêt à cette affaire, bien qu'il eût vu avec plaisir son futur gendre siéger au Parlement. Les deux candidats avaient également tort à ses yeux. Il avait depuis longtemps abjuré les erreurs de sa jeunesse qui avaient été cause de sa déconfiture politique et il était redevenu tory. Mais le duc d'Evry, Lord Courcy et M. Moffat étaient tous trois Whigs, bien qu'ils différassent complètement en politique de Sir Roger, qui appartenait au parti de Manchester et dont les prétentions, par une de ces impénétrables inconséquences de la politique moderne parfaitement incompréhensibles aux esprits ordinaires, étaient en cette occasion secrètement favorisées par le parti conservateur. Je n'ai jamais pu savoir exactement comment M. Moffat, qui avait été introduit dans le monde politique par Lord de Courcy, avait su se concilier les bonnes grâces du duc, car ce dernier et Lord de Courcy n'agissaient ordinairement pas de concert en pareille occasion. Tous les Whigs ne sont pas des Whigs de la même couleur. Lord de Courcy était un whig de la cour, suivant partout la fortune et jouissant quand il le pouvait des faveurs du trône. On le voyait souvent à Windsor et à Balmoral. Il n'était jamais si heureux que quand il remplissait quelque emploi qui mettait en relief sa grâce et sa dignité en présence de toute la cour. Comme son patrimoine avait été quelque peu ébréché par ses folies de jeunesse, il n'était pas fâché de briller aux dépens de la cour plutôt qu'aux siens. Le duc d'Evry était un whig d'une toute autre nuance. Il était rare qu'il allât à la cour, et quand il y allait, c'était simplement pour s'acquitter d'un devoir désagréable que son rang lui imposait. Il consentait volontiers que la reine fût reine, tant qu'il lui était permis à lui d'être duc. Il n'avait pas même songé à reprocher au prince Albert aucun de ses honneurs jusqu'au moment où celui-ci avait pris le titre de prince consort. Il s'était alors permis de faire à ses intimes amis une remarque en trois mots assez peu flatteuse pour la sagesse du premier ministre. La reine pouvait être reine tant qu'il était le duc d'Evry. Leurs revenus étaient à peu près les mêmes, avec cette différence, que ceux du duc étaient bien à lui et qu'il pouvait en disposer comme il l'entendait, et cette différence se présentait souvent à son esprit. Il était laid, grand, mince et dénué de toute distinction, en dépit d'un éclair d'orgueil dans ses yeux qui semblait dire « Je suis le duc d'Evry ». Il n'était pas marié, et si la rumeur disait vrai, il aurait eu peur, en se mariant, de s'exposer à des représailles de la part de plus d'un mari. Il était donc impossible de comprendre comment ces deux puissants seigneurs avaient pu se mettre d'accord pour faire représenter Barchester au Parlement par le fils du tailleur. J'ai dit que M. Moffat était un ami de Lord de Courcy. Il se peut que celui-ci désirât reconnaître les bontés du duc pour Barchester en l'assistant dans sa candidature. M. Moffat fut suivi de près au château par l'évêque de Barchester. C'était un excellent homme, très doux, aimant beaucoup sa femme et plus encore ses aises. Madame l'évêque n'avait pas tout à fait le même caractère que son mari. Son énergie et son activité suppléaient à ce qui pouvait manquer de ce côté-là au prélat. Quand on demandait à ce dernier son opinion, il répondait généralement « Mrs. Proudie et moi, nous pensons que… » Mais avant que son opinion fût émise, Mrs. Proudie prenait la parole et se dispensait de citer l'évêque comme ayant eu voix au chapitre, c'est-à-dire dans le ménage épiscopal. On savait cependant à Barchester qu'il était impossible de voir un couple plus étroitement uni, et ce bon exemple donné par des évêques et des grands seigneurs mérite d'être cité, car les classes inférieures croient, et souvent, hélas, avec trop de vérité, que les douces joies de l'affection conjugale ne sont pas aussi ordinaires qu'elles devraient l'être parmi les grands de la terre. Mais l'arrivée du dignitaire ecclésiastique et de sa moitié ne réussit pas à rendre le séjour du château plus agréable à Franck. Il commençait à soupirer après l'arrivée de Miss Dunstable, dans l'espoir qu'elle donnerait au moins quelque occupation à son esprit. Il ne pouvait se lier avec M. Moffat. Il avait pensé que celui-ci l'appellerait tout simplement Franck, et que lui, de son côté, l'appellerait Gustave. Mais ils n'allèrent jamais au-delà de M. Moffat et de M. Gresham. « Il a fait très chaud à Barchester aujourd'hui. » Telle était toute la conversation que l'on pouvait tirer du futur beau-frère de Franck, et autant que Franck en pouvait juger, Augusta n'en tirait guère davantage. Il résolut enfin de s'en ouvrir à l'honorable George, faute de meilleur confident, et lui dit un soir « Vous avouerez, cher cousin, que mon futur beau-frère m'a tout l'air d'un imbécile ?»« Je lui trouve moi aussi cet air-là, » répondit George. « Voilà trois jours que nous allons à Barchester avec Netherwind pour solliciter les suffrages des électeurs en faisant la cour à leurs femmes et à leurs filles. Eh bien, devinez ce qu'il promettait hier à la femme du chantre, qui exerce l'état de modiste, qui n'est pas laide, ma foi, et que nous trouvâmes dans son atelier avec deux jeunes apprentis plus jolis encore que leur maîtresse. Il les a peut-être comparés aux trois grâces ?»« Oh, bien oui. Mesdames, » a-t-il dit en s'adressant à toutes les trois. « Si je suis élu, je promets de voter pour l'admission des Juifs au Parlement. »